Le dormeur doit se réveiller. Dans la nuit, je prends mon envol. Les rêves s'ouvrent comme un parchemin. Les ombres dansent, les lumières s'éteignent. Dans ce rêve, tout est serein. Rêve lucide où tout est possible. Dans ce monde, rien n'est impossible. Rêve lucide, je suis le maître. Dans l'univers, je peux renaître. Je marche dans les jardins enchantés. Chaque fleur a un secret à dévoiler. Les couleurs dansent, les sons résonnent. Dans ce rêve, tout m'étonne. Rêve lucide où tout est possible. Dans ce monde, rien n'est impossible. Rêve lucide, je suis le maître. Dans l'univers, je peux renaître. Parfois, je trouve une bibliothèque. Les akashiques, source de sagesse antique, les livres brillent d'une lumière mystique, chaque page une histoire unique. Rêve lucide où tout est possible. Dans ce monde, rien n'est impossible. Rêve lucide, je suis le maître. Dans l'univers, je peux renaître. Je m'endors devant la télévision. Les images défilent sans direction. Manipuler des rêves imposés. Dans ce monde, je suis exposé. Ha! Lucide où tout est possible. Dans ce monde, rien n'est impossible. Rêve lucide, je suis le maître. Dans l'univers, je peux renaître. Les miroirs reflètent des mondes cachés. Chaque reflet, une vérité dévoilée. Les ombres dansent, les lumières jouent. Dans ce rêve, à tout est nous. Un rêve lucide où tout est possible. Dans ce monde, rien n'est impossible. Un rêve lucide, je suis le maître. Dans l'univers, je peux renaître. Au réveil, je garde en mémoire ces voyages, ces rêves, ces histoires. Les rêves lucides, un trésor précieux. Dans mon cœur, ils sont merveilleux. Rêve lucide où tout est possible. Dans ce monde, rien n'est impossible. Rêve lucide, je suis le maître. Dans l'univers, je peux renaître. rêve lucide. Le dormeur doit se réveiller.